Moliero, Moliero, Amisi Kimbeni, Jampi, Pipina, Roger Tulampaka. Fosse Mia Moliero, Fenya Kinya Mia Kaza, Desha Kufuza o Disculpaso. Rodiae, Rodiae, encore l'amour de ma vie, ce n'est pas un hasard, c'est sa belle coco, mon amour. Rodiae, encore l'amour de ma vie, ce n'est pas un hasard, si elle s'appelle Claudia, mon amour.